Très content d'accueillir pour la première fois de Mario Cecchini, le président des Alouettes de Montréal. Je suis content qu'il me voie la face parce que, comme je dis à mes invités, c'est une entrevue vidéo. D'habitude, on se parle toujours par audio. Puis je dis, il faut vraiment que tu me voies la face pour pas que t'aies à faire un bandit. Salut Mario! Salut Danny, comment ça Ça va? va bien, ça va bien. Mario, je veux te féliciter premièrement parce que j'ai parlé avec Larry, avec ton prédécesseur Larry Smith. Je suis bien chum avec Larry cette semaine concernant l'histoire de Marv Levy. Et moi, Ouais. je suis vraiment surpris que Marv Levy n'était même pas intronisé. Je pensais que c'était déjà fait et que c'était mort et enterré ce soir-là. Écoute, Danny, tu as exactement la même réaction que moi j'ai eue quand on doit beaucoup à Charles Roux sur ça, puis Ouais. Ron Perron, qui est un ancien joueur de Marv, qui est venu, qui a appelé à un moment donné, puis qui a dit, ça serait temps que Marv soit au temple de la renommée. Charles m'arrive avec ça, là, plusieurs semaines, et j'ai eu la même réaction. J'ai dit, ben voyons donc, Marv est au temple. C'est sûr qu'il est au temple. Et non, il ne l'est pas. Alors là, écoute, on a donné le go, on a mis la campagne, on est parti, on a communiqué avec les anciens joueurs, puis tout le monde a la réaction que tu as. Même quand je parle à des gars de mon âge, justement, qui étaient au stade quand ils étaient jeunes, puis qui ont vu Marv jouer, ils ont toutes la même chose. C'est comme un non-sens. Alors, écoute, on approche de la date d'échéance. On pense que ça va être annoncé la semaine prochaine. Fait qu'on se croise les doigts, Ah, mais OK. Donc, clairement, il comment ça fonctionne? C'est qui décide? C'est-tu comme dans la Ligue nationale? C'est-tu comme dans le baseball? C'est quoi qui. C'est comment ça marche le principe? Larry m'a dit qu'il y avait comme des journalistes, il y avait des anciens joueurs. C'est-tu un peu? Oui, Larry, il te l'a bien expliqué. C'est un mix de personnes qui ont été proches, évidemment. Le processus est un peu plus fluide, flexible avec la Ligue OK. canadienne que d'autres. Il n'y a pas de date fixe. Ils gardent ça plutôt secret, mais c'est effectivement ancien joueur, gouverneur, journaliste, des gens qui ont pu être proches de la Ligue, effectivement. Est-ce que, il va être intronisé comme bâtisseur ou comme pour son record? Non, comme Bâ coach, écoute, on comme s'en coach, rappelle. OK. Je pense que ce que j'ai décodé au fil de mes conversations depuis 6 semaines, c'est que ce qui avait peut-être toujours été, ben, en fait, qu'il l'est encore jusqu'à temps qu'il soit nommé, on va le savoir, mais essentiellement, c'est vraiment le côté de la longévité, Danny, Ouais, parce je qu'il t'ai est entendu aux physique. auditeurs. Ouais, je t'ai entendu aux Ça. antennes de ça. Sauf que nous, on servirait de bord, puis moi, j'ai rapidement dit, écoutez, Warren Moon est dedans, puis il a fait 6 ans. Doug Flutie est dedans, il a fait 7 ans. Là, on parle de 5 ans, trois présences à la Coupe Grey, deux victoires, une comme DG aussi, une comme double emploi de DG et coach. Révolutionner un peu le jeu avec introduire des nouveaux règlements sur les bottés. Je suis sûr que tu en as entendu parler. Il a été, écoute, puis c'est un gars admiré par ses pairs aussi, mais par ses adversaires aussi. Tu sais, on a eu des joueurs qui ont joué contre lui, qui ont reconnu le génie, tu sais. Et en 1973, Marv Levy a pris les Alouettes. C'était pas beau, là. Ça ressemblait pas mal à ce que vous preniez C'était pas au top. actuellement. C'était pas au top, vraiment, là. C'était pas au top, Là, effectivement. ouais, c'était pas 60 000 personnes comme on avait en 1977 à la Coupe Grey, là. Non, écoute, c'est un meneur d'hommes extraordinaire, tu sais. Puis comme tantôt, on se parlait hors d'onde, moi, écoute, quand j'ai parlé la première fois, c'est le petit gars de 10 ans dans moi qui parlait à un gars que j'admirais quand j'avais 10 ans, justement, 74, puis que j'étais au stade, puis mais là, c'était pas au stade olympique dans ces années-là, mais tu sais, d'aller voir un coach qui était respecté, qui était un leader. Écoute, les joueurs parlent de lui aujourd'hui, 50 ans après, 40 ans après, de la même façon, avec un respect incroyable. Tu sais, écoute, c'est vraiment quelqu'un de très, très spécial. Larry Smith m'a dit, puis tu sais, comme Larry est quand même été l'ancien commissaire, puis il m'a dit qu'il y a des notions de Marv Levy qui a inculqué dans sa vie. Oh, absolument. Je ne Fait suis pas que. surpris de ça. Fait Écoute, dès que j'ai parlé la première fois, en dedans de 30 secondes, il a tourné la conversation pour me demander qui j'étais, qu'est-ce que je faisais, fier de ses alouettes. C'est carrément tourné vers l'autre personne et à m'encourager à continuer, comment les alouettes pour lui restent importants, la ville de Montréal. C'est vraiment quelqu'un. Je suis sûr qu'il va être gêné de cet honneur-là, tu sais, mais écoute, c'est tellement mérité, c'est Tu y as incroyable. parlé, il est-tu en bonne santé encore? Il doit être rendu à 95-96 ans, Marv Levy. 95 ans, Ouais, il est-tu en bonne 95 santé ans. encore ou Écoute, il est en bonne santé à ce que j'ai su, à ce que je vois, sa voix est bonne. Alors, écoute, nous, moi, j'ai juste hâte que ça se. On a vraiment les doigts croisés, puis j'espère que ça va être le bon moment. Ça prend des porteurs de ballon, des fois, pour faire ça. Hein. Comme moi, au baseball, là, je dis que Philippe Alou a sa place au Temple de la Renommée, pas comme joueur, mais comme bâtisseur. Quand tu regardes sa biographie de Philippe Alou, là, je te parle à l'amateur de sport, là, ouais. C'est un gars qui il était aussi. Les Dominicains, ils ont été. Il était aussi dur pour. Il représente ce que Jackie Robinson est pour. Est ce que Jackie Robinson est pour les Dominicains. Puis pourtant, il n'est pas au Temple. C'est sûr que ses chiffres ne sont pas là. Par contre, il y en a eu des. Il a ouvert la porte à des Pedro Martinez et David Ortiz et tout ce que tu voudras. Là. C'est pour ça que je te dis à sa place. Tu as tellement raison. C'est des bâtisseurs. C'est des gars qui ont changé la game. Puis, effectivement, c'est des gars qui ont leur place là. Ouais. Puis c'est drôle que tu fasses le parallèle avec lui parce que. Philippe, dans les années difficiles à Montréal avec les expos, tout le poids était sur ses épaules. Oh oui. C'était lui la vedette. T'sais. Quand l'équipe était introduite au premier match, c'était lui qui se faisait le plus applaudir. Oh oui. On aime nos coachs à Montréal souvent, on veut les supporter. Puis Merv, tu le notes bien, en 73, quand il est arrivé, c'était pas si évident que ça. Non, c'était pas évident. Il a amené cette crédibilité-là. Oui, effectivement. Qui a également été culminé en 77, en 77 avec la fameuse coupure, le Ice Bowl. C'est une belle initiative que vous êtes les porteurs de ballon, puis bravo. Je veux te parler maintenant de ce qui se passe avec la Ligue. Moi, je t'inquiète. Mario, je t'en cache pas. J'ai parlé avec Antoine Pruneau l'autre fois, qui est représentant des joueurs du Rouge et Or. Le 10 mai, c'est dans un mois. Vous êtes supposé d'être ouvert le camp d'entraînement. On regarde aller au Québec actuellement. C'est vraiment pas extraordinaire. L'Ontario est confiné. Comme ça, autant que nous autres. Moi, je ne sais pas, on n'entend pas parler de rien, de plan, de quoi que ce soit. Il se passe quoi avec la Ligue? Ça ressemble à votre dossier de vente des Alouettes, puis ça ressemble pas mal à ça. Oui, ben écoute, moi, je vais me permettre de t'encourager un petit peu. D'abord, je pense que tu as raison, qu'on a choisi pour plusieurs raisons d'être plutôt silencieux pendant qu'on travaille sur nos plans. Je pense que l'été passé, ça n'a pas servi, Danny, d'avoir des conversations sur la place publique. Le gouvernement s'en mêlait. Là, il y a plein de spéculations, surtout quand on est face à l'inconnu. Là, on n'est pas face à l'inconnu nécessairement, dans le sens qu'on savait, là, on suit cette évolution-là. Ce n'est plus quelque chose qui est nouveau pour nous. Maintenant, c'est sûr que les variants récemment, tu parles de l'Ontario, tu parles du Québec, évidemment, là, on parle de 4 clubs. En Ontario, en particulier, on parle de 3 clubs. Mais tu sais, on a fait du progrès. On fait du progrès avec le protocole d'abord et avant tout. On a 4 provinces qui ont accepté le protocole. Le Québec, je les ai rencontrés hier. Alors, je vais avoir la réponse officielle la semaine prochaine parce qu'il faut que ça commence là. Il faut que les 6 provinces, fait que nous, c'est un peu plus complexe que d'autres. Il faut que les 6 provinces acceptent le protocole de retour au jeu. Alors ça, c'est en très bonne voie. À partir de ce moment-là, là, nous, ça prend les spectateurs. Ah oui, on le dit, c'est clair, c'est une portion des revenus qui est importante. À partir de ce moment-là, tu sais, aujourd'hui, la notion du 10 mai, il faut de toute façon, par le délai, il faut que ça se règle rapidement. Fait qu'on est là-dedans à partir de la semaine prochaine puis l'autre semaine. Mais si jamais il fallait que ça soit repoussé, parce que l'Ontario en particulier ne peut pas jouer ou ne peut pas recevoir le camp au mois de mai, moi, je resterais confiant. Hier, dans notre rencontre, tu sais, on parle de tout ce que tu entends, mais c'est le fun de l'entendre des autorités publiques directement. On reste très, très, très... le gouvernement est très centré, encore une fois, sur l'objectif du 24 juin pour une dose pour tous les Québécois qui veulent être vaccinés. Ensuite, quand on parle du mois d'août, mais là, on est rendu à 2 doses à fin août. À partir de ce moment-là, on peut avoir des spectateurs. On n'aura pas 100%. Puis on a fait des scénarios en ce sens-là. Mais là, on garde un optimisme qui est très, très fort. Alors, au pire aller, est-ce qu'on parle d'une saison qui pourrait bouger? Peut-être, mais on va savoir d'ici 10 jours. Mais en ce qui est en termes de 10 ou 15 ou 20 jours, là, ouais. ce qui est en termes de jouer, moi, je reste très, très confiant. Est-ce que je vais parler avec Michel Laplante, des Capitales de Québec, demain en entrevue. Je l'ai appelé aujourd'hui pour booker son entrevue. Puis lui, ça va carrément aux États-Unis. Il va commencer la saison aux États-Unis. Là. Ah ouais. Est-ce que je vais te poser une question? C'est une question un peu niaiseuse, mais il faut que je la pose. Vous n'avez pas de spectateurs. Est-ce que les États-Unis, jouer aux États-Unis, ça a été une option? Ça n'a pas été une option pour le OK. moment. C'est quelque chose qui n'a jamais été Pensez, discuté OK. ici. C'est que ça revient à une question de coût aussi. Ouais. Danny, ça veut dire est-ce que tu te déplaces de cette façon-là, comme la MLS? Mais là, c'est vraiment, tu sais, c'est les loyers Ouais. pour tout le monde, c'est des Mais hôtels vous avez pour des spectateurs, par contre. Vous auriez pu y tout avoir des le monde. spectateurs. Oui, bien, écoute, là, tu connais, tantôt, tu parlais de Larry. Larry pourrait nous parler de Ouais. l'expérience américaine, mais tu sais, c'est pas évident de se retourner de bord, Non. débarquer dans une ville, puis dire, hey, venez voir jouer les Montreal Alouettes Ouais, c'est sûr. contre les Saskatchewan Rough Riders, C'est puis tu es sûr. au milieu T'es à de Shreveport, l'équipe en de New York. Louisiane. T'es à Shreveport, en Louisiane. C'est ça, c'est pas si évident que ça. OK. Donc, est-ce que vous avez pensé faire un mini-camp? On ne fera pas de mini-camp au sens propre du terme. OK. On va avoir évidemment un camp pour les recrues. Ouais. Puis tout ce qui se fait en ce moment au niveau de l'évaluation des joueurs, malheureusement, c'est virtuel. OK. Alors, c'est avec les films, c'est avec les conversations. Tu sais, on prépare le repêchage international jeudi prochain qui est à 13 h. Je suis convaincu que tu es au courant de ça. Ensuite, on prépare le 4 mai le Ouais. repêchage pour les joueurs canadiens. Encore une fois, on a des films qui datent un peu. Évidemment, il n'y a pas eu de saison en 2020, mais Danny et son équipe est focussés entièrement sur ça au moment où on se parle. OK. Tu parles de repêchage international. Il y a une ligue en Europe qui va démarrer. Je ne sais pas si tu as entendu parler de football américain. Et je sais que le commissaire est très actif avec des partenariats, des partenaires en Allemagne, en Italie, en France. Il fait ça. Moi, je mets ça beaucoup de projets, là. Est-ce qu'à la fin de la journée, ça va donner quelque chose? Moi, je mets ça, là. Je pense que oui. Ben, écoute, nous, on est optimistes. C'est OK. un plan à long terme. C'est un plan qui va dans l'économique aussi. Donc, essentiellement, un jour, effectivement, un peu comme, tu sais, l'analogie que je pourrais te faire, c'est quand Jacques Villeneuve arrive en F1, les droits de télé que RDS est prêt à payer sont beaucoup plus forts que quand il n'y a aucun Canadien. Alors, ça, c'est une des prémisses économiques que Randy vise de ce côté-là. C'est qu'un jour, il y aura un, deux, trois Allemands, un, deux, trois Français, un, deux, trois Japonais. Et là, soudainement, peut-être que tu trouves un contrat. Alors, un contrat de télé, Le évidemment, streaming parce aussi, que qui je parle grand ça. en ligne de compte, le streaming aussi, Et, ben là, t'es un gars de comme c'est moi, une t'aimes le d'avance, c'est streaming. ça. C'est ça. Aujourd'hui, c'est toutes les nouvelles plateformes. Ouais. Alors, c'est un peu ça. Je pense qu'il y avait ça là-dedans, plus le côté de vraiment être international. Donc, là, on parle de marchandises après ça, puis on peut parler évidemment d'un paquet de choses. Alors, de grossir cette ligue-là autour de la NFL, puis on verra où ça mène. Je pense que c'est un objectif louable qui vaut la peine d'être poursuivi, là, où on se La parle. XFL et sur ce partenariat-là. Oui. Est-ce que c'est sérieux? Hier, je voyais encore le gars de Three Down sur le site Three Down Nation, la Ligue canadienne, je ne sais pas si tu connais ça, il y a eu des entrevues. On parlait du partenariat et ainsi de suite. C'est quoi? Est-ce que ça veut dire les mêmes? Parce que moi, je pense que les Canadiens auraient plus à perdre que la XFL aurait à perdre. Si la XFL n'a jamais démarré, tandis que la Ligue canadienne a 100 ans a plus de 100 ans d'ancienneté. Donc, c'est quoi là, moi, je pense qu'à quelque part, il faut vraiment s'occuper de la Ligue et de remettre la Ligue sur les rails comme il faut après avoir sauté une année plutôt que de s'associer avec la XFL, non? Oui, ben, c'est-à-dire que, premièrement, je te rassure que notre premier objectif, c'est de jouer en 21, Ah, effectivement. il Ça, faut que c'est vous jouiez. absolument clair. Par contre, on est capable de mâcher de la gomme puis marcher en même Ouais. temps. On est capable de s'asseoir avec la XFL puis voir un peu toutes les possibilités de partenariat. Je te dirais, ce que je peux dire au moment où on se parle, c'est il y a des belles conversations. On est très conscient de notre héritage. Alors, il n'y aura pas de. Si jamais les choses évoluent plus loin, c'est sûr que tu peux rapidement croire que c'est parce que tout le monde pense que c'est un avenue qui va être à long terme meilleur. On ne voit pas ça comme des gains et des pertes. Et surtout, pour un des éléments que tu dis, Danny, on ne voit pas ça comme la XFL qui a fait faillite en 2001 Non. ou qui n'a pas démarré à cause de la COVID, en fait, qui a joué 5 matchs. Il était bien L'intérêt, parti. il y a vraiment un nouvel actionnariat. Et ça, c'est très, très important. Je ne sais pas si tu connais, évidemment, tout le monde connaît The Rock, Ouais. Dwayne Johnson. Ça, c'est une chose. Mais Danny Garcia, puis moi, on est sur des comités ensemble. C'est une dame qui a des compagnies et une force dans le branding. Et Red Bird Capital. Red Bird, là, il faut savoir, c'est 5 milliards d'actifs. Un, c'est propriétaire de deux équipes de soccer. C'est propriétaire d'une équipe, d'une compagnie en partie de recherche marketing aussi, donc une connaissance approfondie de leur milieu. Ça, pour nous, c'est excitant. Là, alors, c'est avec eux qu'on fait affaire. Moi, je ne vois pas. En fait, j'aime à dire, peut-être que je vais me faire taper sur les doigts pour dire ça, mais ce n'est pas la XFL, pour moi, ce n'est pas ça. C'est vraiment la possibilité de dire avoir une ligue potentiellement, qui serait élargie avec un actionnariat, des propriétaires qui arriveraient avec nous, qui sont excessivement solides et qui amènent une expertise. Ouais. Alors, comme j'avais dit au moment de cette annonce-là, je pense qu'on aurait été fous de ne pas s'asseoir à la table et de ne pas discuter et de ne pas écouter. Maintenant, où ça va mener, on verra. C'est sûr que The Rock, tu regardes sur ses followers sur les médias sociaux, on parle de médias sociaux, c'est incroyable, juste ça. Là. Ça nous écoute, il y en a plus. On m'a dit qu'il y en a plus que la NFL au complet. Ah oui, c'est un homme. Écoute, les followers, là, s'il met la Ligue canadienne, ça va faire vraiment... S'il parle un peu de la Ligue canadienne avec ses followers, ça va faire une méchante publicité gratuite, et ainsi de suite. Absolument. Mario, on va se parler, j'espère, on va se reparler bientôt, dans le courant de l'année, si tu veux. J'aimerais ça avoir une entrevue avec Marv Levy, si c'est possible. Je te demande ça comme... Tu m'as demandé ça en ondes? Oui, peut-être. On va voir, écoute, on souhaite, Danny, d'abord, qu'il soit élu. Oui, oui. Convaincu qu'on va mettre Charles Rook sur le camp. OK, ben merci beaucoup. Plaisir, Danny. Voilà, donc, c'était le président des Alouettes de Montréal, Mario Cicchini. Mario, merci beaucoup, hein? Ciao, merci à toi. Salut, merci.